Chapitre 4. La provocation. Le même soir, un incident dramatique devint mettre Jalich en présence de ses cohéritiers. Au café de Suède, qui fut à Paris sous l'Empire, le rendez-vous des gens de lettres et des acteurs, deux jeunes gens sont assis en face de deux consommations. C'est l'heure de l'absinthe. L'un des deux jeunes gens est un rapin qui a donné quelques promesses de talent. Il est petit, laid, spirituel, remuant, malicieux, grimacier. C'est un singe habillé, voire même mal habillé. Feutre moelle la tyrolienne, paletot de velours de coton coupe province, beaucoup trop long et donné sans doute par un ami. Pantalon trop large, gilet trop court. Linge plus que douteux, en jugé par les manches de chemise mal cachées. Ce garçon doit souffrir de sa pauvreté, de sa laideur, de sa faiblesse physique. Il est vaniteux, envieux, médisant. Il y a pourtant du bon en lui, puisqu'il sait aimer quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est son camarade et son cousin Armand. Celui-là forme un contraste parfait avec lui. Armand Gauthier est un magnifique garçon de 18 ans, un homme et un enfant. Homme par la splendeur du développement, l'assurance du regard, l'aplomb sincère de la pose, le calme puissant de l'attitude. Un enfant par la rondeur des formes, la limpidité de la prunelle, la pureté du front, la fraîcheur des lèvres, et la franchise du sourire. C'est une belle tête gauloise, non régulière, exprimant l'audace, la générosité et l'amour. Ce qui caractérisait ce jeune homme, c'était une merveilleuse insouciance de tout et de lui-même. Il vivait dans Paris comme vivent les jeunes guerriers peaux rouges dans la prairie, sans autre préoccupation que de trouver le boire et le manger. Quant aux lois sociales, aux convenances, aux préjugés, il s'en inquiétait fort peu. Suivant du reste, la pente d'un naturel excellent, mais sans souci des obstacles, des entraves et des conventions qui en gênaient le développement. Il passait au travers des usages, coutumes, bienséances et règlements de police, comme un gros bourdon à travers une toile d'araignée. On l'avait vu emporter de sergents de ville un sous-chape bras pendant l'émeute du cimetière Montmartre. Il les avait déposés sur la tombe de Cavaignac. L'originalité de ses façons lui avait attiré trois duels. Non qu'il fût querelleur, mais parce qu'il était sans gêne. Il s'était battu avec une indifférence parfaite. Tout Paris s'était occupé de la nonchalante désinvolture avec laquelle il avait reçu les coups d'épée de ses adversaires. Il ne savait pas tirer et ne voulait prendre aucune leçon parce que, disait-il, ça n'en valait pas la peine. Il s'intitulait journaliste. En réalité, il était reporter. Sans domicile, couchant ici et là, tantôt dans un atelier de peinture, tantôt sur les sacs du magasin de départ d'un journal, au besoin sous un pont et souvent ne dormant pas, il errait dans Paris, son nez subtil au vent, flairant les nouvelles et devinant les accidents. Il rapportait aux journaux des faits divers émaillés de fautes d'orthographe, mais très originalement comptés. Il avait des hauts et des bas, mais jamais de préoccupations d'argent. Avec 10 sous, il se trouvait riche. Un billet de 100 francs n'excitait pas son enthousiasme, et il s'était senti pauvre avec 10 louis. Quand il avait soif, il fallait qu'il bût. Quand il avait faim, il fallait qu'il mangeât. Il déployait alors une audace tranquille et stupéfiante. Les femmes l'adoraient malgré le dévarié de sa mise. Il se laissait aimer, mais il n'avait jamais montré qu'il tint à celle-ci plus qu'à celle-là, ce qu'elle n'avait fait d'année plus d'une de jalousie. En ce moment, il étalait sans vergogne ses bottes éculées, son pantalon frangé, son McFarlane tellement étriqué pour lui, qu'on eût dit d'une pèlerine. Il regardait son verre vide, et cette contemplation ne lui paraissait pas agréable. « Est-ce que tu n'offres pas une autre absinthe, Léon ? » demanda-t-il à son camarade. « J'ai juste de quoi nous payer l'omnibus jusqu'à Saint-Mandé, » répondit Léon. « C'est idiot de ne pas avoir le sou un jour où l'on va dans le monde, » dit Armand. « Je crève de soif, moi, si je battais un cocher sur le boulevard. Ça ferait plaisir à beaucoup de jobards. On déteste les cochers. » Je raconterai la rixe pour le Figaro. Nous irons apporter la copie et je toucherai au moins 3 francs. Léon savait son ami capable d'exécuter son idée, car outre qu'il professait une haine contre les cochers de fiacre, il était capable des plus folles excentricités. Le voyant se lever, le rapin lui dit, en regardant la pendule, « Trop tard, les caisses sont fermées. »« Est-ce bête, les caisses qui ferment ?» dit Armand. En ce moment, il remarqua un consommateur qui était seul en face de 2 verres, l'un sec, l'autre demi-plein. Évidemment, ce monsieur attendait quelqu'un. Le verre le prouvait. Ce consommateur parut déplaire singulièrement à Armand. Un bolin, sale type, dit-il. J'ai jamais vu ça ici, il a une tête d'agent. Et il fronça le sourcil, car il détestait les mouchards plus encore que les cochers. Tu te trompes, dit Léon. Ce monsieur a une binette désagréable, mais ce n'est pas un agent déguisé en bourgeois. Alors qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Il a un profil d'épervier, la moustache et la barbiche brune. J'affirmerais que c'est un officier s'il avait l'air franc. Mais cet homme n'a jamais porté un uniforme. On dirait qu'il se teint les cheveux tant ils sont noirs. Le teint est olivâtre, la lèvre mince, le nez busqué, le front fuyant. Je parierais que c'est un aventurier espagnol qui vient exploiter Paris. Nous le saurons bien. Comment? Je le prierai de me donner sa carte en le bousculant. Encore une folie? Il faut bien savoir à qui l'on a affaire. Tiens, une idée. Si j'empruntais un louis au patron du café sur notre héritage. Es-tu bête? Tu y crois, toi, à cette blague-là? Fit le rapin, en haussant les épaules d'un air qu'il s'efforçait de rendre dédaigneux. Mais un certain tremblement de lèvres démentait cette indifférence affectée. 100 millions, reprit-il. Le duc assassiné peut-être, disparu tout au moins, une bande d'Arabes qui l'enlève, nous autres petits cousins, partageant cette succession, ça me paraît du roman. À moi aussi, fit Armand, mais j'y crois pourtant. Alors, s'écria Léon, tu n'es qu'un imbécile. L'épithète parut froisser Armand. Non, je ne suis pas un imbécile, protesta-t-il. Je crois à cet héritage parce que j'ai besoin d'y croire, pour emprunter. Si je n'ai pas la foi, comment veux-tu que je la donne aux autres? Ce n'est pas d'un crétin ce que je dis là. Et si tu m'appelles encore imbécile, je te prends avec ta chaise et je vous envoie tous les deux à travers la devanture sur le boulevard. Qu'est-ce que ça te fait que je t'appelle imbécile? Ça n'a pas de conséquence entre camarades, dit Léon. C'est tout le contraire, protesta Armand avec véhémence. Je ne tiens qu'à l'opinion de mes amis. Le reste du monde m'est indifférent. Et montrant du doigt le consommateur, dont le type lui avait tant déplu, il s'écria tout haut, si bien que beaucoup de personnes levèrent la tête. « Tiens, regarde ce monsieur que je n'ai jamais vu et qui lit son journal. Il me traiterait d'idiot, que cela me serait parfaitement indifférent. Il a une sale tête et je le méprise sans le connaître. Mais toi, je t'aime, sans t'estimer. Je ne veux pas que tu me froisses. Tiens, il paraît que le monsieur a entendu ce que j'ai dit de lui. Il est vexé et il me regarde de travers. » Armand disait cela du ton le plus calme. « Tais-toi donc, » murmura Léon. « Pourquoi ça? Ce monsieur va venir me demander raison. Je n'ai rien à rétracter, nous nous battrons. Tu seras mon témoin et... Ça fait pour demain un déjeuner sur la planche. Nous prendrons pour second ce coureur de Théodore qui m'a figuré dans les duels, des autres. Ah, le monsieur sera soi. Encore un taffeur de plus et un repas de moins. Tout n'est qu'illusion dans la vie. Il se décide, fit Léon. Il revient. » Le monsieur avait toisé les jeunes gens. Leur mise ne lui avait pas paru assez sérieuse pour qu'il se commît avec eux, mais les dernières paroles d'Armand avaient fouetté sa colère. Il vint, furieux, se planter devant Armand, tenant son stick à la main. « Mon garçon, dit-il en menaçant le jeune homme de la pointe de sa canne, vous êtes gros, grand et sale. Je ne veux pas vous souffleter parce qu'il faudrait me ganter, et vous ne valez pas que je me donne cette peine. Mais si vous ne me faites pas des excuses, je vous casse la figure avec mon jonc. Est-il plombé, votre jonc ? Demanda Armand d'un ton flegmatique. « Assez pour vous faire repentir de votre impertinence. » D'un mouvement brusque, Armand saisit le stick d'une main et de l'autre, il contint son adversaire, et faisant sonner la pomme sur le marbre de la table, il dit à Léon qui riait. « Il est bien réellement plombé. Cet homme est une vile canaille. » Mais je l'ai provoqué sans autre motif que la coupe déplaisante de son profil. Je lui dois réparation. En ce moment, tout le café s'était groupé autour des deux antagonistes. Armand reprit en s'adressant à son antagoniste qui maintenait toujours et qui écumait de rage impuissante. « Vous avez à choisir, monsieur. Je dois vous rendre votre stick avec lequel vous pouvez me casser la tête. Je vous le donne en un coup. Si vous m'assommez, comme je suis l'agresseur, il ne vous en arrivera pas grand-chose. Si vous me laissez un souffle d'existence, après un coup mal porté, je vous casse en deux sur mon genou. Je vous fais la partie belle. D'autre part, si vous préférez vous battre à l'épée ou au pistolet, demain je suis à votre disposition. » Et lâchant son homme, il lui tendit froidement le stick, se leva, se croisa les bras et attendit impassible. Un tel sang-froid démonta quelque peu son adversaire. La galerie qui connaissait Armand et qui était habituée à toutes ses excentricités se tenait muette, personne ne cherchait à intervenir. Armand rejetait sur le billard celui qui se serait mêlé de son affaire. L'adversaire d'Armand tordit pendant 10 secondes son jonc dans ses mains crispées, puis, Domptant sa fureur, il fouilla dans sa redingote, prit son carnet, en tira une carte et la jeta sur une table devant Armand en disant « À demain !» Mais comme il pirouettait sur ses talons pour gagner sa place, le jeune homme le retint et lui dit « Un instant, monsieur !» À son tour, il tira de sa poche un très joli portefeuille, y choisit une de ses cartes, y mit une adresse en saluant avec beaucoup de courtoisie. « Monsieur, si vous choisissez le duel, voici mon nom. Je vous serai obligé à votre tour de me donner le vôtre. « Je vous ai remis ma carte, » dit l'étranger en la montant sur la table. « Vous faites erreur, monsieur. Vous avez placé là un carré de papier avec le geste d'un distributeur de prospectus. Ce n'est pas la donner sa carte, c'est la déposer. Ceci, monsieur, serait humiliant pour vous. On ne dépose une carte que quand on est solliciteur. Mettons cela sur le compte de la colère et réparez, je vous prie, cette petite bévue. » La galerie se mit à rire, l'étranger fronça le sourcil, mais comment sortir de l'impasse où il se trouvait ? « Voyons, » fit-il avec impatience, « vous battrez-vous sérieusement au moins ? » « Qu'entendez-vous par sérieusement ? » fit Armand imperturbable. « Voulez-vous dire que je devrais venir sur le terrain en cravate blanche et en habit comme un notaire ? Ma foi, non. Je viendrai, vous me verrez, vous me blesserez, et vous pourrez écrire à votre famille, comme César écrivait au Sénat, « Veni, vidi, vici. » Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà le programme, monsieur. C'est invariable avec moi. Ça se passe toujours comme ça. Mon quatrième duel ressemblera aux trois autres. » L'étranger était stupéfait. Jamais il avait ouï parler d'un adversaire de cette sorte. Il semblait interroger la galerie du regard, et l'attitude de celle-ci lui prouvait qu'Armand disait vrai. Il lui tendit sa carte. Armand regarda et lut. Tout à coup, il fronça le sourcil. « Ah, vous êtes le baron de Yalich. Savez-vous que ça change tout ?» Le baron sourit. Il crut que sa réputation de duelliste effrayait le jeune homme, et il dit en ricanant, « Mon cher monsieur, on a tort de s'attaquer au premier venu. »« Tiens, » fit Armand, « voilà le baron qui croit que je recule parce qu'il a assassiné deux pauvres diables de jeunes gens assez francs pour lui avoir dit ses vérités. Eh bien, c'est vrai, je le répète, vous êtes un traître, un vendu, un misérable. Vous avez livré Kossuth. Je vous hais et je ferai demain tout mon possible pour vous tuer. » Puis se tournant vers la galerie, il dit avec une confiance superbe, « Vous verrez que je lui trouverai joliment la peau. » Yalich, pâle, frémissant, voulait s'élancer pour souffleter son adversaire, mais Armand le prit, une main au col, l'autre au rein, et le porta dehors jusqu'à la station de fiacre qui stationne près du café. Il le déposa dans une voiture découverte et dit au cocher « Emmenez, monsieur !»« Où cela ?» demanda le cocher abasourdi. « Au diable !» dit Armand, et le remit au café. Yalich, meurtri, se releva pour crier d'un air menaçant. « À demain !» Armand se retourna et il dit « « Demain, vous serez au lit à cette heure-ci. » Il rentra au café pendant que Yalich, impuissant, devant la force colossale de son adversaire, se décidait à quitter le terrain. Il donna des ordres au cocher qui fouetta Séros. Armand, rentré au café, reçut une ovation. « Théodore, » dit-il à un grand jeune homme pâle, bouffi et mou d'aspect, « Théodore, tu m'en témoins pour demain. Commande l'absinthe. » Théodore, enchanté, fit bien les choses comme toujours. Il payait les frais du triomphe d'Armand que tout le café voulait fêter. Le bruit de ce duel se répandit en un instant sur le boulevard et du boulevard dans tout Paris. Armand fut le lion de la soirée. Il était connu, aimé, adopté par la jeunesse. Sa haute taille, sa beauté superbe et rayonnante, ses excentricités, ses précédents duels, son insouciance inouïe lui donnaient une sorte de royauté sur la jeunesse bohème. C'était un des types originaux du quartier latin. Une de ces physionomies que Paris connaît et auxquelles il s'intéresse. Le baron, de son côté, touche au monde de la diplomatie, du turf et de la bourse. On s'enquit de son affaire, on s'informa de son adversaire, la chose fit un bruit énorme. Armand, après avoir savouré au compte de Théodore autant de consommation qu'il voulut, emprunta un louis à son témoin et il prit fièrement, avec son ami et cousin, un fiacre, pour aller à Saint-Mandé où on les attendait. Déjà le scandale du café de Suède y était connu.